flamme, le chrome, mon album, j'suis stone, j'suis au fun, j'suis le bombe qui dégomme, j'suis le rhum, j'suis la mort, mauvais sort, j'perds le nord, je suis gore, j'suis le porc, j'suis fait d'or, j'suis hardcore et je mors. Tu baisses ta meuf, t'es un veuf, du couteau, j'suis le ref, j'suis la teuf, j'suis les keufs, j'suis le taureau, t'es ta bœuf, j'suis clair, j'fais la guerre, j'suis ton père, j'baisse ta mère, j'suis le dealer, j'suis salaire, sans verre dans les jugulaires. J'suis le canard, j'suis le coca, j'suis le potard, la cata, j'suis le rapace, la vodka, j'suis le tarmac, le silo, le silo, le silar, j'suis rico à la plage, j'suis en marge dans la cage où je marche, j'ai la rage. Arsenic, j'arrive vite, j'prends les cigs dans la ville. J'suis l'Afrique, j'ai l'Afrique, nique ton fils, j'ai le fric, j'suis le vide. Pilek, arythmique, arsenic, j'arrive vite, j'prends les cigs dans la ville. J'suis l'Afrique, j'ai l'Afrique, nique ton fils, j'ai le fric, j'suis le vide. Même si la Tessie, les Nessie, j'suis Nessie, j'suis lessive avec les si, j'suis précis, les récits pas dressés, j'baisse récit, j'suis pressé, tu m'apprécies, j'suis le gaz qui t'a suicidé. Je suis en fuite, je suis en cuite, je suis en suite.